Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, le mariage secret de Louis XIV et Madame de Maintenon. Ma vie fut un miracle, disait-elle. Le destin de Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon, ressemble à un conte de fées. Née dans une prison, la jeune fille de petite noblesse, mariée à 16 ans à un poète infirme, qui connut la pauvreté, l'errance, l'humiliation même de mendier son pain, allait un jour, ou plutôt une nuit, dans le somptueux château de Versailles, épouser le plus grand roi du monde. Faut-il ne voir dans cette formidable ascension que la réussite d'une arriviste, dévote jusqu'à la bigoterie, austère donneuse de leçons, qui patiemment a tissé sa toile autour de sa proie Louis XIV, ce roi Don Juan qu'elle prétendait ni plus ni moins sauver de lui-même. C'est ainsi en tout cas que ses ennemis la dépeignent. Vieille guenon, crotte de souris, sorcière, la belle-sœur du roi par exemple ne mâche pas ses mots à son égard. Mais l'histoire de Madame de Maintenon, c'est sans doute aussi bien autre chose. Celle d'une femme d'esprit et de lettres qui gagna le cœur d'un roi. La victoire de l'intelligence sur le droit du sang. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alexandre Maral, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, historien d'art, conservateur général au château de Versailles et auteur d'une très belle biographie de Madame de Maintenon. Vous écrivez dans la préface que pour redonner à Madame de Maintenon son vrai visage, vous avez dû pour ce livre accomplir un travail de restaurateur d'art. La légende de cette dame est-elle si noire et sale ? Elle est ternie, oui, par le temps et par les détracteurs. Et donc le travail de restaurateur, ça consiste à essayer de retrouver pour un tableau la surface d'origine en enlevant tous les repeints, les vernis salis, opacifiés. Beaucoup de textes ont été écrits sur Madame de Maintenon et tous ne sont pas d'une fiabilité égale. Donc il faut opérer un tri. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, celle des péripéties qui ont mené à l'extraordinaire mariage secret de Louis XIV et Madame de Maintenon, commence en 1683, à la mort de la reine Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. Quelle est la situation du royaume, en gros, à cette date? On est à l'apogée du règne de Louis XIV. La France a été victorieuse à l'issue de la guerre de Hollande. Il y a eu la conclusion des traités de Nîmes en 78 et 79, ce qui place à cette époque-là Louis XIV comme le plus grand roi du monde, et on l'appelle en France Louis le Grand. C'est l'appellation quasi officielle qui lui est donnée dans les actes. La cour, à ce moment-là, vit à Versailles, au château de Versailles qui est terminé ? La cour et le gouvernement, c'est là une nouveauté dans l'histoire administrative, politique du règne et de l'histoire de France même, parce que jusque-là, la cour était itinérante. À partir de 1682, le pouvoir s'identifie à un lieu, et ce lieu, c'est Versailles. La cour, justement, vient de vivre des événements tragiques. C'est l'affaire des poisons. Alors, l'affaire des poisons, oui, c'est l'ombre qui pourrait ternir le tableau. Mais Louis XIV a réagi en fin politique. Et dès qu'il a su l'ampleur que pouvait prendre ce scandale, il l'a tout simplement étouffé et donc mis fin aux procédures d'enquête. Notamment, donc, on apprenait que bon nombre de dames de haut rang avaient eu recours à des empoisonneuses pour se procurer des poudres de succession, comme on appelait cela. Et aussi en matière d'amour, à des filtres d'amour dont il n'est peut-être pas nécessaire d'entrer dans le détail de la composition ici, non, car ça n'est pas très ragoûtant. Mais en tout cas, donc Louis XIV découvre... Grenouille desséchée. Entre autres. Louis XIV découvre que Madame de Montespan, donc sa favorite officielle, a trempé dans cette affaire. Donc pour lui, c'est vraiment un scandale sans précédent. En 1683, le roi a 45 ans, Madame de Maintenon 48. Elle a déjà une longue vie derrière elle. Avant même son mariage avec le roi, la présence même de Françoise d'Aubigné à la cour est déjà peu ordinaire et mal vue quand on sait d'où elle vient. Elle a un parcours incroyable. C'est un parcours incroyable. Vous parlez de contes de fées. Oui, il y a de ça, parce qu'elle naît, elle est une petite noblesse provinciale, Aubigné. C'est une famille qui n'est pas très ancienne et surtout qui est complètement déclassée. Le grand-père, c'est Agrippa. Bon, encore là, ça va, mais le père, c'est un rebelle, un joueur, un meurtrier, un ivrogne, un colérique, qui a abandonné sa famille. Alors elle naît dans une prison, parce qu'à ce moment-là, son père est emprisonné. Ensuite, il y a l'aventure aux Amériques, qui termine par un échec. Donc, il faut mendier son pain à La Rochelle. Vraiment une éducation chaotique. Partagée entre une éducation protestante et catholique. Alors elle est baptisée catholique parce qu'à ce moment-là, son père a renié l'héritage protestant du grand-père, donc il s'est fait catholique. Donc elle est baptisée catholique. Mais effectivement, elle est recueillie à un moment par une de ses tantes, qui elle est restée fidèle à l'image d'Agrippa d'Aubigné, qui est une austère protestante, mais très aimante en même temps, très affectueuse. Et c'est la mère de sa marraine, qui elle est très catholique et qui l'arrache à ce qu'elle juge être une mauvaise influence, et la confie donc aux Ursulines, à Niort, puis à Paris, pour la redresser, pour en faire une bonne catholique. Ce qu'elle sera par la suite, oui. À 16 ans, elle est mariée à un poète, Scarron, un grand poète de l'époque, mais qui est infirme. Paul Scarron, drôle de mariage, en effet, il est plus âgé qu'elle, il est infirme, et puis bon, c'est un peu un mariage arrangé par la mère de la marraine dont je parlais, pour la caser. Mais Françoise est quand même attirée par cet homme qui a des qualités de cœur et surtout des qualités d'esprit. Il est pleinement implanté dans ce milieu qu'on appelle la préciosité parisienne. Scarron va initier la jeune Françoise à justement tenir sa place dans la société, manier les choses de l'esprit sans pédanterie, sans affaîtrie, sans affectation. Des qualités qui lui seront précieuses quand elle sera à Versailles. Bien sûr, parce que ce sont des qualités qui sont en mesure de séduire pas mal de monde, et notamment le roi. Scarron va mourir, elle va être veuve, et elle va devenir la gouvernante des enfants de Madame de Montespan, les enfants illégitimes de Louis XIV, et c'est par ce biais qu'elle va rentrer à Versailles. C'est par ce biais, en fait, dans l'entourage de Scarron, il y a beaucoup de grands seigneurs de la cour, et notamment le maréchal d'Albret, dont une cousine est la future marquise de Montespan. Et quand la marquise de Montespan devient la favorite du roi, et qu'elle est enceinte des œuvres de Louis XIV, elle va suggérer à Louis XIV de faire appel à son amie, donc Françoise, veuve Scarron, veuve respectable, veuve discrète, veuve suffisamment fiable pour être en mesure d'accomplir cette tâche qui est une mission quasi politique, parce qu'il ne faut pas que ses enfants soient connus, notamment du marquis de Montespan, l'époux légitime de Madame de Montespan, qui multiplierait les scandales. Surtout, il risquerait de revendiquer ses enfants comme siens propres. Merci Alexandre Maral, on se retrouve si vous êtes d'accord dans une trentaine de minutes. Tout de suite, le mariage secret de Louis XIV et Madame de Maintenon, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Pascal Deux. C'est donc fini. Pauvre reine, quelques jours de souffrance et... Pourquoi le Seigneur l'a-t-il rappelée à lui maintenant? Elle profitait à peine du retour du roi près d'elle. Après toutes ces années d'humiliation, comme c'est triste. Et en même temps, j'éprouve de la fierté. Grâce à moi, le roi peut pleurer son épouse sans remords. C'est moi qui l'ai ramenée dans le droit chemin. Mais je n'y pensais pas. La mort de la reine va ruiner mon œuvre. Le roi va retourner à ses catins de bonne famille, à ses fêtes, à la dépravation. J'avais réussi à l'en détourner, mais à présent je ne pourrai plus rien contrôler. Ni ses sens, ni une nouvelle épouse. Et moi, que vais-je devenir? Disparaître après être parvenu à une place si enviable? Comment alors honorer la mission que le Très-Haut m'a confiée? Je ne peux y renoncer. Je dois sauver l'âme du roi. 30 juillet 1683 au château de Versailles. Madame de Maintenon vient d'assister à la mort de Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, reine de France, épouse de Louis XIV. Les médecins avaient diagnostiqué une crise de rhumatisme. Il s'agissait en réalité d'un abcès surinfecté. Très attachée à la reine, Madame de Maintenon, par un étrange retournement de situation, a acquis au fil des années une place particulière à la cour de Versailles, prenant auprès du roi une place importante et bientôt indispensable. Avant que la reine ne décède, il ne se passait pas un jour sans que le roi ne vienne se confier longuement à elle. Des fenêtres de son appartement, Madame de Maintenon aperçoit le carrosse royal qui attend dans la cour de marbre. Majesté, quitter Versailles en ce triste jour ? Madame, vous l'ignorez sans doute, le roi ne peut demeurer au même endroit que la mort. Où allez-vous ? À Saint-Cloud. Croyez bien, je préférerais rester ici auprès de vous. Nos discussions quotidiennes ont la vertu de m'apaiser. En tant que deuxième dame d'Atours, c'est la dauphine que je vais tenter de consoler ce soir. La triste nouvelle ne l'a pas affaiblie, j'espère ? Perdre la mère de son époux l'a grandement contrariée, mais sa grossesse n'en est pas affectée. Un mot encore, madame. Je vous suis très reconnaissant de la façon dont vous avez soutenu la reine. Je n'ai rien fait, votre majesté, qui ne fût de mon devoir. La reine disait, Dieu a suscité madame de Maintenon pour me rendre le cœur du roi. C'était là votre place. Sa mort est bien le premier chagrin qu'elle me cause. Mais je reste troublé par ces derniers mots. Les avez-vous entendus ? Je m'étais éloignée pour vous laisser seule. Depuis que je suis reine, je n'ai eu qu'un seul jour heureux. De quel jour a-t-elle voulu parler ? Certainement celui où vous êtes revenu dans son lit quand elle vous croyait perdu pour elle et notre Seigneur. Voilà Louvois. Je n'ai pas le cœur à discourir des affaires de l'État. Je vous laisse. À bientôt, ma chère amie. Si Dieu le veut. Madame Scarron, je vous salue. Louvois, pourquoi vous entêtez à m'appeler de la sorte ? Depuis que le roi m'a nommée en public Madame de Maintenon, tout le monde s'y plie, fort vous. C'est un nom acquis de bien étrange manière. N'est-il pas normal de prendre le nom du domaine dont on est le maître ? Je parlais de l'argent qui vous a permis cet achat. Le roi a été généreux. Il souhaitait me remercier d'avoir élevé ses enfants dans l'amour de notre Seigneur. Cela vous éclaire-t-il ? Pourriez-vous continuer et m'éclairer sur votre relation avec leur père ? Je n'en saisis pas la nature exacte. Seriez-vous jaloux de la place que j'occupe ? Allons, madame. Voyez-vous, Louvois, à trop vouloir jouer le premier rôle auprès du roi, vous oubliez qu'il vous manquera toujours une précieuse qualité. Et quelle est-elle ? Être une femme. Monsieur le marquis, je vous salue. À Versailles, la cour est invitée à répéter la dernière cérémonie en l'honneur de la reine. L'inhumation aura lieu à la nécropole royale de Saint-Denis. Il faut mettre en place la procession. Madame de Maintenon y prend part, modestement, au rang qui est le sien. Mais la princesse palatine use de son physique imposant pour la rejoindre au milieu de la foule. Connaissant les manières un peu rustres de la femme de monsieur, le frère du roi, les courtisans s'écartent. D'autant qu'elle a perdu depuis quelque temps l'estime du seul homme qu'elle aime, le roi. Il s'est lassé de la jeune fille laide, mais rieuse et sans manières qui jadis l'amusait. Oh, pardon, madame de Maintenon. Vous aurais-je bousculé en arrivant si vite ? Non, votre Altesse, on vous voit arriver. Je m'y étais préparée. Pourvu que cela ne dure pas des heures. On en a des champs enterrés d'autres. Quel besoin de nous faire répéter ? Pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à l'enterrement d'une reine. Oui, bien sûr. Ce n'est ni en Martinique, ni dans le salon de Scarron que vous auriez pu vous instruire de ces façons. En effet. En tout cas, cette pauvre reine nous aura enseigné qu'il faut fuir les médecins de Versailles en cas de maladie. Ils l'ont fait saigner à 11h. À midi, ils lui ont donné de l'émétique. À 3h, elle rendait l'âme. Dans les bras du roi. Justement. À propos du roi, je m'inquiète pour lui. Quelle tristesse. Perdre une épouse que l'on a servie si loyalement. Oui, oui. Bon, enfin, au tout dernier moment. Il faut le dire, l'Espagnole n'était pas très drôle. Mais elle était brave. Et dans tous mes chagrins, je dois l'avouer, elle m'a toujours témoigné la plus grande amitié du monde. Et très croyante. Ne devrions-nous pas avancer ? Quoi ? Ah oui, oui. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans le fond du panier, avec les baronnets et les courtisans de pacotille. Ce sera une belle cérémonie. Las, espérons que le deuil fini, on remise cette atmosphère triste et lugubre dans laquelle Versailles baigne depuis trop longtemps. Avez-vous remarqué ? On ne rit plus à la cour. Ce n'est pas un lieu pour jouer la comédie. On y glorifie Dieu et on œuvre pour le royaume. Certes, certes. Mais il fut un temps où tout cela pouvait être fait, et bien fait, même si les courtisans étaient en cheveux, en chausses, en pourpoint et ruban. Le libertinage tenait de la légèreté. Aujourd'hui, voyez, perruque, habits serrés, bas noirs et dévotion à n'en plus finir. Il est un temps pour tout. Oui, espérons que Versailles retrouve un peu de légèreté. Depuis combien de temps n'y a-t-il pas eu de bal? Et il n'y en aura pas de si tôt. En raison du deuil, les festivités seront suspendues durant une année. Cela n'aidera pas le roi à oublier la perte d'une épouse si chère. Il lui faudrait plutôt du divertissement. Je m'inquiète grandement pour lui. Il m'est très précieux. Je ne voudrais point qu'il sombrât dans une triste langueur. N'ayez crainte, Votre Altesse. Les messes, la prière et la foi dans notre Seigneur sauront soutenir le roi. J'y veillerai. À quel titre ? Celui que voudra bien me donner Sa Majesté. Je ne sache pas qu'il ait besoin d'une dame d'atour. Vous devriez aller vous occuper de vos terres. J'y songe. Ne tergiversez pas. Votre place n'est plus à Versailles, ma chère. Le roi devra se trouver une nouvelle épouse digne de lui. Merci de vos sages conseils. Mais je crois que l'on vous fait signe. Vous devez être en tête du cortège. Malheureusement, il semble qu'on vous réserve une place bien éloignée du roi. Où donc a fui cette époque où vous chassiez ensemble? Elle est sur le point de revenir, n'en doutez pas. Votre Altesse. Madame de maintenant. Oh, pardon, ma langue a fourché. Poussez-vous. Poussez-vous. Allez, devant vous autres. Cette mégère est dans une prison. Pour qui se prend-elle avec ses grands airs? Sa seule vertu, c'est d'avoir élevé les bâtards du roi. Quel titre de gloire! À cause d'elle, tout a changé de face. Si la Fontange, cette gamine belle comme un ange, mais sotte comme un panier, n'avait pas eu la mauvaise idée de mourir de ses mauvaises couches, Louis serait encore dans son lit et cette vieille sorcière n'aurait pas cette emprise sur lui. Elle l'estourbie de discussions à n'en plus finir sur les façons de plaire à Dieu. Mais que le roi nous plaise à nous d'abord. Le ciel peut attendre. Heureusement, Louis va devoir prendre épouse royale ou retrouver une favorite. Ses sens l'ont toujours gouverné. Quand son vie criera famine, ce n'est pas cette vieille guenipe qui pourra le rassasier. Et alors, la fête reprendra. Début août 1683, le roi doit se replonger dans les affaires du royaume. Il fait mander Louvois, son conseiller principal, membre du conseil d'en haut et ministre d'État depuis une dizaine d'années. Louvois exerce sur le roi une très grande influence, surtout dans le domaine de la politique extérieure et militaire. Belle cérémonie, n'est-ce pas, Louvois ? Très, Votre Majesté, et fort émouvante. Voulez-vous que nous commencions par votre état ? Mon état ? Vous ne sauriez rester veuf, il vous faut une épouse. Pourquoi faire ? Je n'ai nul besoin de descendance, j'ai fait tant d'enfants qu'elle est assurée. Le jeu des alliances, épouser l'infante du Portugal ne pourrait que nous servir. Je vous ai apporté son portrait. Voyez, Majesté. Elle est bien maigrelette. Et a l'air à peine formée. Quel âge a-t-elle ? 14 ans. Il faudrait que j'eusse le goût des fruits bien verts. Son père vous sera... Nous en reparlerons, passons à autre chose. De bonnes nouvelles, voulez-vous ? Eh bien, sire, je puis vous annoncer qu'après le Poitou, d'autres régions de France voient grossir chaque jour et sans faillir le nombre de réformés abjurant leur religion. Tous se convertissent. Ah, voilà qui est bien. Je veux qu'il n'y ait plus un seul hérétique dans mon royaume. Mais comment procédez-vous, Louvois ? Les dragons, Majesté. Quand ces soldats ne sont plus au combat, il faut bien leur trouver où se loger pour leur quartier d'hiver. Nous avons donc obligé des protestants à les accueillir chez eux. Les dragons sont très introduits dans ces familles, des liens se nouent, et puisque les dragons sont des soldats prêcheurs, à force de répandre la bonne parole, ils réussissent à convertir ces mécréants. De telles œuvres ne pourront que satisfaire notre Seigneur. Je me réjouis d'apporter ces bonnes nouvelles à Madame de Maintenon. Vous allez reprendre vos longues discussions ? C'est déjà fait. Je ne puis m'en passer. La vie de la cour est parfois répugnante. C'est à qui sera le plus proche du roi et lui fera le compliment le plus insipide. Comment puis-je protéger le roi ? Faut-il qu'il se marie au plus vite ? Ou lui trouver une favorite que je pourrais gouverner ? Peut-être serait-il plus judicieux de me retirer dans mes terres. Je risque de perdre ma position, une grande partie de mes ressources. Les choix périlleux m'ont toujours porté chance. Je vais trouver une issue. Je garderai tous mes avantages durement acquis et je sauverai le roi de son pire ennemi, lui-même. Madame de Maintenon, devenue dame d'atour de la Dauphine, accompagne celle-ci à Fontainebleau. Elle retrouve le roi qui s'y est installé le temps du deuil. Je suis sûr que l'on peut attraper un mal à ne pas se vider si longtemps. Le corps a ses besoins. Garder en dedans n'est pas sain. N'est-ce pas, madame ? Oui, sire. À n'en point douter, vous en aviez grand besoin. Presque une semaine. Le deuil est une chose, les impératifs du corps en sont une autre. La chasse ne me suffit pas. Allons, racontez-moi. Quoi donc ? Ce que l'on dit de moi. Aujourd'hui, j'ai déjà reçu la visite du dauphin, de la duchesse de Bourgogne, de tous vos enfants. Ils s'inquiètent à mon sujet ? Je dirais plutôt de l'arrivée d'une nouvelle reine. Eux aussi souhaitent que je me remarie. Et vous, sire ? Moi, je n'y ai aucun goût. Et le moment n'est pas à des alliances avec les cours d'Europe. La situation du royaume est stable, pourquoi m'allier avec une famille royale plus qu'une autre ? Ce serait créer des tensions là où il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas non plus rester seul. Que serait un roi solitaire aux yeux des autres cours ? Un aveu de faiblesse. Que voulez-vous dire ? Ce serait comme leur signifier que le roi de France n'est plus capable d'honorer une femme. Je leur montrerai moi si je ne peux pas. Dois-je pour autant épouser une fillette ? Non. Ô ma sainte Françoise. Sauvez-moi de cette situation. Pourquoi a-t-il fallu que la reine passe maintenant ? Nous étions si bien. Moi, elle. Et vous. Et voilà, tout est bancal. Vous ne songez pas à vous retirer sur vos terres, j'espère. Tant que vous aurez besoin de moi, je resterai. Dieu soit loué. Alors nous pourrions envisager que vous deveniez officiellement ma favorite. Qu'en diriez-vous ? Cela résoudrait tout. Louvois me laisserait tranquille avec ses noces. Sire, vous n'y pensez pas. Pourquoi ? Me faire vivre dans le péché aux yeux de tous. Moi, il n'en est pas question. Et ne l'oubliez pas, il est grand temps de penser au salut de votre âme. Les ébats hors mariage sont une offense au Seigneur. Vous avez raison. Mais qu'allons-nous faire ? Prier. Oh oui. Le Seigneur nous éclairera. Confiteor Deo, omnipotenti, Beatae Mariae, Semper Virginie, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Ioanni Battistae, Sanctis Apostoli Petro. La princesse Palatine, restée à Versailles, se presse derrière le grand escalier. Vite, vite, Un coin d'aisance? Je n'y tiens plus. Oh, en voilà un. Ah, non! Le foie! Oh. J'étais là la première. Pardonnez-moi, Votre Altesse, je ne vous avais pas vue. Il est vrai que je suis si menu. Mon double quintal de chair passe inaperçu. Encore mille pardons. Et voilà, on discute et une mijaurée s'est glissée sur la chaise. Le parc n'est pas loin. Ah, non, je ne chie pas à mon aise comme mon cul ne porte sur rien. Eh bien, patience. Louvois, vous qui voyez le roi plus fréquemment que nous tous, pourriez-vous me dire dans quelle disposition il se trouve ? Sa Majesté prie de longues heures pour l'âme de son épouse défunte, mais elle est revenue aux affaires. Lui, avez-vous trouvé quelque épouse ? J'y travaille. Pourquoi, d'ailleurs, une épouse ? Une favorite suffirait amplement. N'y a-t-il pas assez de jolies personnes à la cour ? Le roi ne veut plus vivre dans le péché. On sait d'où cela lui vient. Je crois que vous et moi, nous ne portons pas dans notre cœur Madame de Maintenon. Elle œuvre pour le salut de Sa Majesté. Ou pour avoir une situation avantageuse en tout point. Mais laissons là cette personne. Dites-moi plutôt, Louvois. J'ai eu vent de ce qui a commencé dans le Poitou et s'étend à présent à d'autres régions. De quoi parlez-vous ? De dragons qui auraient commis toutes sortes d'abominations contre des familles protestantes afin de les contraindre à se convertir. Non point. Ce sont des conversions volontaires. Sans enlèvement d'enfants, sans pillage, sans violence contre les femmes des maisons qui les accueillent. Ne prêtez pas l'oreille aux mauvaises langues. Ce sont des sources sûres. Vous le savez, je suis née calviniste. Je me suis convertie à mon mariage, certes, mais je ne saurais croire que le roi de France tolère de tels agissements. Il est déplorable de diviser les chrétiens entre eux. Les trois religions chrétiennes n'en formeraient qu'une seule, si l'on suivait mon avis. Seriez-vous théologienne, Votre Altesse ? On devrait se contenter de s'informer si les gens vivent conformément à l'Évangile, et on prêcherait contre ceux qui prennent un mauvais chemin, au lieu de martyriser ceux qui n'entrent pas dans la bonne Église. Allons, Votre Altesse, ne vous laissez pas berner par ces fausses nouvelles. Tout se passe sans violence. Je l'espère. Depuis l'édit de Nantes, les réformistes ont le droit de pratiquer leur religion en privé. Certes, mais cet édit n'est pas gravé dans le marbre. Et puis, vous conviendrez que pour le salut de leurs âmes, il vaut mieux qu'ils abjurent, comme vous-même l'avez fait. Les dragonnades ont commencé en 1681, à l'initiative de l'intendant du Poitou, à qui Louvois avait envoyé un régiment de cavalerie. Pour la trêve hivernale, l'intendant avait décidé de loger les troupes chez des réformés, avec ordre de les piller et de les ruiner dans le but qu'ils se convertissent. Si les protestants refusaient, ils étaient brutalisés, torturés, violés. Les curés enregistrent 38 000 conversions. La région est ruinée. Les habitants s'exilent en Angleterre ou en Hollande. Depuis, pour prolonger ses résultats prometteurs, Louvois élargit ses pratiques à d'autres régions. L'Europe protestante s'indigne. Ah non, madame, vous n'allez pas vous aussi m'entretenir du comportement des dragons avec les protestants. Louvois se plaint déjà que la princesse le harcèle à ce sujet. Sire, je ne vous en dirai qu'une chose. Laquelle ? Veillez qu'on ne commette pas de crimes en votre nom. Allons, que de grands mots, des crimes ? Louvois m'assure... Louvois veut vous plaire par tous les moyens, fût-il sanglant. Nous verrons. Dites-moi plutôt la raison pour laquelle vous vous affublez de tous ces voiles noirs. Sire, nous sommes en deuil. Je suis en deuil. À vous voir, on dirait que c'est vous qui avez perdu une épouse. Moi, je n'entends pas avoir une figure de carême plus longtemps. Mais sire... On m'a rapporté que vous glissiez dans les couloirs en gémissant, en vous tordant les mains. N'en faites-vous pas un peu trop ? Je voulais juste... La mascarade a assez duré. Je l'avoue, je commence à ne plus pouvoir pleurer dès que l'on prononce le nom de la reine. Alors quittez ce déguisement de veuve et pleurez. Soulevez votre voile. À la bonne heure. Je vous retrouve. Le noir ne vous sied pas. Il vous fait paraître encore plus pâle, presque spectral. Auriez-vous peur des fantômes ? Tapotez-vous les joues ? Voilà qui est mieux. Bien, alors. Qu'avons-nous décidé ? À quel sujet ? Nous. Notre situation. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Je refuse d'être votre favorite. Alors devenez ma femme. Voilà une bonne plaisanterie pour changer mon humeur. Eh bien, vous ne souriez pas. Non ? Non, mais vous ne pensez pas sérieusement... Et n'est-ce pas la meilleure solution ? Mais c'est impossible. Ma position... Je ne vous épouserai pas aux yeux du monde. Mais en privé. Un mariage secret ? Oui. Devant Dieu et lui seul. Ainsi ne vivrons-nous plus dans le péché. Personne ne le saura. Rien ne sera annoncé, mais je demanderai à mes enfants de vous respecter comme mon épouse. Les princesses marcheront derrière vous, mais vous n'aurez aucune prérogative de reine. Mais que serais-je alors ? Si je vous épousais devant tous, vous seriez aussitôt reine, et cela, en effet, n'est pas envisageable. Vous ne serez ma femme qu'aux yeux de Dieu. N'est-ce pas suffisant pour une femme comme vous, d'une si grande piété ? Bien sûr. C'est que... C'est si surprenant. La cour n'en saura vraiment rien ? Rien officiellement. Bien sûr, ils verront comme l'on vous traite. À eux d'en tirer les conclusions qu'ils voudront. J'entends déjà les ragots. En tout cas, méfiez-vous de la famille. Si quelqu'un comme la Palatine en avant, toute la cour le saura. Nous ne signerons rien. Aucun document. La cérémonie aura lieu uniquement en présence d'hommes de Dieu. Peut-être ainsi cesseront-ils de me sermonner à chaque prêche. Cela risque de me mettre dans une position fort inconfortable vis-à-vis de tous. Allons, madame, vous avez le caractère qu'il faut. Je vous laisse y réfléchir. L'Académie française vient me lire des textes en l'honneur de la reine. Je dois vous quitter. Seigneur Dieu, quelle nouvelle ! Moi ? La femme du roi ? Faut-il m'en réjouir ? M'engager à rester dans l'ombre jusqu'à la fin de mes jours ? Être au sommet et n'être rien ? Quel vertige ! Je pourrais certes m'acquitter de ma mission et sauver l'âme du roi, mais quel prix à payer ! Il me faudra une robuste santé. Les besoins du roi sont si impétueux. Se voir dire le bonsoir 2 fois par nuit, pourrais-je y résister ? Il me faut encore plus de prières, plus de messes, plus de Dieu. Votre Altesse, tendez votre bras. Allez-y, je suis prêt. Voilà qui est mieux. Mon coude est dans le prolongement de mon bras. Ah, Louvois, entrez. Ces messieurs vont nous laisser... Votre Majesté. Votre Majesté. Ils ont remis de l'ordre dans mes os. Que vous est-il arrivé ? Encore un accident de chasse. Je m'étais démis le coude, mais le voilà réparé. La porte est close ? Oui, sire, nous sommes seuls. Très bien, Louvois, approchez. C'est une nouvelle à dire à voix basse. Je vous écoute. Je vais épouser Madame de Maintenon. Pardon ? C'est la meilleure solution. Je ne serai plus dans le péché de chair et ma situation sera résolue. Ah, sire ! Votre Majesté songe-t-elle bien à ce qu'elle me dit ? Le plus grand roi du monde, couvert de gloire, épouser la veuve Scarron. Voulez-vous vous déshonorer ? Louvois ! Quelle image désastreuse allez-vous envoyer à toutes les cours d'Europe ? Cette mésalliance fera de vous la risée de tout. Suffit, Louvois ! Ils n'en sauront rien, de toute façon. Il s'agit d'un mariage morganatique. Quant à vous, il faudra vous y faire. J'ai déjà pris mes dispositions. Dès notre retour à Versailles, je m'unirai à madame de Maintenon. Le sujet est clos. Très bien, sire. Si votre décision est prise, je m'y plierai. Mais il faut impérativement que ce mariage reste secret. Comme chaque soir de 8h à 10h, juste avant le souper au grand couvert, le roi vient s'entretenir avec madame de Maintenon. Comment a-t-il su ? La chose n'est même pas faite qu'il est déjà au courant. De qui parlez-vous ? Je parle du dauphin. Il sait pour nous. Notre projet de mariage. Cette vermine de Louvois se sera empressée d'aller lui raconter. Mais c'est le premier à tenir au secret. Vous-même, n'avez-vous pas... Moi ? Plutôt mourir que cela se sache. Si je découvre qu'il existe le moindre document officialisant notre union, je le ferai détruire. Non. Louvois l'aura raconté dans l'espoir que votre fils vous infléchisse. Et donc, quelle a été sa réaction ? Une lettre outrancière, choquante pour un père. Et une opposition totale à notre mariage. Cela se peut comprendre. Je deviens une marâtre peu présentable à ses yeux. Il se pliera à ma volonté. Peut-être faudrait-il l'y aider. Comment ? Je ne sais. Y a-t-il un souhait qu'il aurait formulé auquel vous vous seriez opposé ? Je n'ai pas pour habitude de m'opposer à mes enfants. Vous savez combien je les aime. Et aucun ne cherche à provoquer ma colère. Voyons, il doit bien y avoir moyen de l'infléchir. N'a-t-il pas de maîtresse, d'enfant né hors mariage que vous pourriez légitimer ? Pas que je sache. Alors nous nous passerons de son consentement. Une fois nos vœux prononcés, il aura intérêt tout autant que nous à garder le silence. Vous avez raison. Avez-vous sa lettre ? La voici. Donnez. Allez au feu. Pas de traces. Pas une seule trace. Le 9 octobre 1683, un peu plus de 2 mois après le décès de la reine, le roi et madame de Maintenon sont de retour à Versailles en fin d'après-midi. Étrangement, la nouvelle de la présence du roi n'a pas été ébruitée. Le mariage secret est prévu pour le soir même. Madame de Maintenon tente de rejoindre ses appartements le plus discrètement possible. Allons, je dois calmer cette chamade dans ma poitrine. Je ferme mon col, on pourrait voir l'affolement de mon pauvre cœur. Tant pis pour l'ordre du roi, obligeant les femmes à être gorges nues jusqu'à la naissance des seins. Les couloirs sont déserts. Tant mieux. Personne ne tourne. Madame de Maintenon ? Pardonnez mon cri, princesse, je ne m'attendais pas. Il est frais, tomber sur moi alors que je ne sors jamais. Vous devez avoir une sacrée chance. Je serai fou, je rejoindrai une table de jeu au plus vite. On ne m'y voit jamais. Tout comme moi. Dites-moi, votre présence signifie-t-elle que Sa Majesté est parmi nous ? Je ne sais. J'ai toujours l'étrange sensation que vous dressez un mur autour de lui. C'est m'octroyer de grands pouvoirs. Je me suis laissé dire que vous aviez eu un mois d'août fort agité. Vous étiez comme prise d'alarme, de tourments incontrôlables, m'a-t-on dit. Et il semblerait que, brusquement, tout se soit calmé. Auriez-vous pris une décision qui vous apporte quelque tranquillité ? Oui. De quelle sorte ? Vous m'aviez conseillé de rentrer sur mes terres. Ce serait une sage décision. Eh bien, finalement, je reste à Versailles. Vous restez. J'en suis fort aise. Et Louvois annonce que le roi ne se remariera pas. Y a-t-il un lien à faire entre ces deux nouvelles ? Allons, votre Altesse, que pourriez-vous en déduire ? Que vous avez trouvé une place stable. Oui, mais laquelle ? Je vais vous laisser réfléchir. Je vous prie de m'excuser, on m'attend. Oh, votre Altesse, j'oubliais. Vous pouvez continuer de m'appeler Madame de Maintenon. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, le roi et Madame de Maintenon se rendent discrètement dans l'ancienne chapelle du château. Le roi porte un chapeau à large bord dont l'ombre lui masque le visage et un manteau sans ornement. Celui de taffetas de Madame de Maintenon la couvre jusqu'aux pieds. Une capuche lui permet de se dissimuler au regard des rares courtisans qu'il pourrait croiser à cette heure tardive. Le premier valet de chambre du roi les précède en brandissant une torche. Il pénètre dans la chapelle dont la porte est aussitôt barricadée. Là, deux hommes d'église les attendent. Les visages sont fermés. Ce qui est habituellement un événement joyeux prend une étrange tonalité. On les accueille à voix basse. Pour tromper d'éventuels témoins, l'organiste entame en sourdine un requiem. Je vais y arriver. Le prie-Dieu est à une dizaine de pas. Que sont 10 pas dans une vie? Je n'y crois pas encore. Un de ces hommes va sans nul doute parler au roi, lui dire que c'est folie d'épouser une femme comme moi. Louvois va frapper contre la porte, exiger au nom de l'État d'arrêter tout. La palatine va surgir en éclatant de rire. Mais non, rien. Le silence dehors. Mes jambes sont prêtes à ployer. J'ai peur. Dans quelle vie je m'engage? Face au monde, je ne serai femme de personne. Derrière les murs de ma chambre, celle du plus puissant. Seigneur, je suis votre chemin. Il est fort étrange, mais je le suivrai pour sauver l'âme du roi, qu'elle entre purifiée dans votre royaume. Mais au fond de moi, je le sens qui me submerge. C'est un bonheur éclatant. Moi, la fille d'un voleur, la veuve d'un poète éclopé, vue à la cour comme la dernière des dernières, j'ai acquis l'incroyable privilège de devenir l'épouse du roi. Moi ? Allons, c'est à nous. Je vous prends, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, pour épouse. Je vous prends, Louis de Bourbon, roi de France et de Navarre, pour époux. Le mariage secret de Louis XIV et Madame de Maintenon de Jean-Benoît Patricot, avec Madame de Maintenon Marianne de Nicourt, Louis XIV Xavier Gallet, la princesse palatine Ariane von Behrendt, Louvois Scali del Pera et les voix de Quentin Barbosa, Roxane Roux et Othello Vilgar. Bruitage Patrick Martinache, prise de son, montage et mixage Claire Levasseur et Manon Houssin, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Pascal Deux. On reprend la discussion sur Madame de Maintenon dans quelques minutes avec mon invité Alexandre Maral. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Sur tes joues, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin, claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça 2 fois sur 3. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Sans blague, dis à quoi tu joues, tu vas abîmer ton cœur. À trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage, dans ta tête comme dans une cage, t'as tellement besoin qu'on t'aime, que t'oublies de t'aimer toi-même. Qui monte trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Trop vite, par Isia sur France Inter, autant en emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Rémi Sistiaga. Alexandre Maral, nous avons donc quitté Louis XIV et Madame de Maintenon face à l'autel lors de leur mariage secret. Comment peut-on être sûr qu'ils se sont effectivement mariés? On a entendu Madame de Maintenon, elle tenait absolument à détruire toute preuve écrite. En effet, c'est un mariage secret qui n'a laissé aucune trace, mais néanmoins, on en a la preuve parce que elle a recopié une lettre que lui avait envoyée son directeur de conscience, l'évêque de Chartres, Godet des Marais, et cet évêque fait une allusion très précise au mariage. Il emploie cette formule « Dieu a formé le lien qui vous unit ». Et le fait qu'elle ait recopié cette phrase, que cette phrase la concerne, est une preuve irréfutable de l'existence de ce mariage. En tout cas, on ne sait ni le lieu, ni la date exacte du mariage. Oui, peut-être pas la chapelle de Versailles, comme il est indiqué dans la fiction. Sûrement pas la chapelle, peut-être Versailles. Et en tout cas, la date, on ne la connaît pas. Un mariage morganatique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il y a inégalité de conditions entre les deux époux. Lui est roi, le plus grand roi du monde, on disait. C'est ce qu'on disait à l'époque. Et elle, c'est pas une bergère, mais elle n'est pas grand-chose. Comment expliquer vraiment ce mariage? On n'est pas dans la passion amoureuse, ils se connaissent depuis longtemps. Est-ce que c'est un fort désir de purifier sa vie? C'est un mélange de mariage de raison et mariage d'amour. Parce qu'ils s'aiment, lui sans doute l'aime plus qu'elle ne l'aime. Et c'est aussi un mariage de raison parce que la seule issue que l'on trouve convenable pour sortir de la situation où on se trouve à l'été 83. Et c'est ce qui est très bien retracé dans l'échange, la scénette que nous avons entendue. Sait-on à partir de quand ils ont été amants? La question est controversée. La plupart des historiens de Madame de Maintenon pensent qu'ils ont été amants. Alors les uns placent le début de leur liaison en 1674. D'autres plus tard, une des dernières, Simone Berthier, pense que c'est à partir de 1680. Et puis alors moi, je formule l'hypothèse qu'ils ne l'ont pas été. Du tout? Du tout. Même après le mariage? Oui, c'est pas un mariage blanc, non. Mais justement, si elle parvient à s'imposer comme ça parmi toutes les autres femmes dans l'entourage du roi, c'est qu'elle est différente des autres. Les autres se donnent plus ou moins facilement, plus facilement que moi d'ailleurs. Elle se refuse. Elle se refuse et ça fait sa force. Ça fait sa force. Je pense qu'il y a là une psychologie à creuser. Et par ailleurs, à partir du moment où le roi donc a renoncé à disgracier Madame de Montespan et qu'il se rapproche de son épouse, il reprend une vie de sacrement régulière. Alors que jusqu'en 1680, on le voit communier de façon très épisodique et parfois même ne pas communier du tout à la messe. Eh bien, à partir de 1680, ça redevient régulier. Et ce rythme de communion est, à l'époque, totalement incompatible avec une vie d'adultère. Alors je demandais en début d'émission comment expliquer l'étonnante trajectoire de Françoise d'Aubigné, devenue donc femme de Scarron, veuve, puis madame de Maintenon, puis épouse secrète de Louis XIV. Selon vous, Alexandre Maral, qu'est-ce qui prime chez cette femme? C'est l'ambition, le calcul, la bigoterie hypocrite ou au contraire un besoin de stabilité, une vraie conviction religieuse pour sauver le roi, comme elle dit? Difficile parce qu'elle est restée très secrète sur ses intentions. Ce qui est évident, c'est qu'elle a la volonté de rendre service à l'État. Lorsqu'elle accepte de recueillir chez elle les bâtards, les enfants illégitimes du roi et de Madame de Montespan. Et il est probable aussi que lorsqu'elle accepte d'épouser Louis XIV, elle le fait pour rendre service, pour permettre à ce roi qui a pris de bonnes résolutions, eh bien de perdurer dans ses résolutions et de lui faciliter la tâche. Alors je ne dis pas que ça se résume à ça, parce que elle le fait un peu pour elle. C'est pas une machine. Pour elle-même aussi. Elle l'aime sûrement et elle a de l'ambition, comme tout un chacun. Difficile de savoir ce qui prime. Ce qu'on voit aussi dans cette histoire, c'est la haine qu'elle a pu susciter autour d'elle, notamment dans la famille royale, à travers ce personnage assez extravagant de la Palatine qui lui vouait une véritable haine. Hein. Quand Madame de Maintenon meurt en 1719, à l'âge de 83 ans, la Palatine écrit « La vieille gueuse est crevée, c'eût été un grand bonheur si cela avait pu arriver il y a quelques 30 ans ». C'est une haine tenace. Comment oui. expliquer cette haine? Pour cette deux raisons de essentiellement. D'abord parce que la Palatine est imbue de son rang et qu'elle voit à la cour cette femme qui est certes noble, hein, mais de petite noblesse. Elle trouve que sa place est usurpée. Et la deuxième raison, c'est que la Palatine est secrètement amoureuse de son beau-frère, Louis XIV. Et donc mari, toutes les femmes. Elle est perdue pour elle. Son mari, évidemment, ne lui donnant pas toute satisfaction. Plutôt homosexuelle. Du coup, toutes les femmes qui tournent autour de Louis XIV lui sont insupportables. Et celle-là, plus que d'autres, parce qu'elle sent que Louis XIV y est très attaché. Je parlais à propos de la victoire de Madame de Maintenon, cette ancienne précieuse, de la force de l'esprit, la force de l'intelligence sur le droit du sang. Qu'en pensez-vous, Alexandre Maral? Oui, il y a chez Madame de Maintenon une vision de la femme qui est assez novatrice. Et à travers la préciosité, c'est toute une vision de la place de la femme dans la société. C'est pas seulement le goût pour les choses de l'esprit, c'est aussi permettre à la femme de tenir une place reconnue et estimée. Elle est un peu le porte-parole de ça et elle va exprimer ça à travers Saint-Cyr, qui est une institution d'enseignement. Oui, c'est une maison qu'elle va créer pour les jeunes filles de la noblesse, des jeunes filles pauvres. Des jeunes filles pauvres de la noblesse, mais à qui elle va inculquer justement ce sens de la place de la femme que ces jeunes filles vont être appelées à tenir dans leur société. D'un point de vue plus social et historique, si la trajectoire de Madame de Maintenon est exceptionnelle au XVIIe siècle, est-ce qu'elle ne sera pas carrément impossible au XVIIIe siècle? Très difficile. Après, bon, il y a eu d'autres favorites royales, comme Madame de Pompadour, Madame du Barry. Là, c'est encore assez incroyable comme histoire. Mais l'une et l'autre n'ont pas eu occupé la place que Madame de Maintenon a tenue auprès de Louis XIV. Ils n'ont pas laissé un héritage aussi important. Merci beaucoup Alexandre Maral. Je rappelle, vous êtes l'auteur de Madame de Maintenon, la presque reine, chez Belin, ainsi que de Femmes de Versailles, paru chez Perrin dans la collection Timpus. À voir en ce moment une exposition créée pour Louis XIV, les manufactures de la couronne sous Colbert et Lebrun, au Mobilier National Galerie des Gobelins, à Paris, dans le 13e, jusqu'au 4 décembre. Et à Versailles... Alors à Versailles, il y a eu une exposition sur Madame de Maintenon, mais qui est terminée, mais qui passe à Niort maintenant. Niort étant la ville natale de Madame de Maintenon, elle sera inaugurée le 18 octobre prochain. Donc au musée Bernard d'Agessy à Niort et il y a encore notamment la maison natale de Madame de Maintenon. Merci beaucoup Alexandre Maral. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous irons boire au 19e siècle en compagnie d'une grande dame du Champagne, Louise Pommery. Devenue veuve à 39 ans, cette épouse et mère de famille va, comme son aînée, la veuve Cliquot, faire de son entreprise une des plus importantes maisons de Champagne. Louise Pommery, une veuve à la conquête du Champagne, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, après le flash bien sûr, ne manquez pas votre rendez-vous Modern Love avec Nadia Dame. Très bonne soirée sur France Inter.